Tu œuvres de manière concrète. Il exprime son tempérament et tout ce qu'il est. Il peut faire tout, travail impossible alors. C'est là que demeure sa toute-puissance. Il œuvre par lui-même, c'est ici son pragmatisme se révèle. Car ceci a l'esprit, l'essence de Dieu est toute puissante et concrète. Ses aspects se renforcent l'un l'autre. Tout ce qu'il fait exprime son tempérament et ce qu'il est. Son être contient son omnipotence, sa justice et sa majesté. Dieu est tout puissant, il est aussi concret. Ses paroles contiennent son omnipotence. Il a de l'autorité. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Même avant de voir le résultat final, sa toute-puissance se révèle lorsqu'il parle. Car ceci a l'esprit, l'essence de Dieu. Et concrète, ses aspects se renforcent l'un l'autre. Tout ce qu'il fait exprime son tempérament et ce qu'il est. Son être contient son omnipotence, sa justice et sa majesté. Jonas refuse un poisson, l'aval. Ainsi, il vécut 3 jours, mais il survécut et ne mourut pas. Ce que Dieu lui fit montrer, sa toute-puissance, tu manifestes toujours son essence et tout ce qu'il est dans son œuvre. Il y a de côté son essence, sa toute-puissance et son pragmatisme. Il se voit à chaque étape de son œuvre. Et en tout ce qu'il fait, c'est une manière de connaître Dieu. Garde ceci à l'esprit, l'essence de Dieu. Et concrète, ses aspects se renforcent.